Enseignement par le Vénérable Sayadaw Upanyasami. Retraite Vipassana 2003, Centre d'Amarantsi. Today, I would like to talk about postures. There are four postures the Buddha taught in the Satipatthana Sutta. I will recite Pali, the original words of the Buddha, so that you have the chance to hear the original words of the Buddha. Aujourd'hui, je vais vous parler des postures. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha nous explique que la méditation se pratique dans quatre postures. Je vais commencer par réciter le texte Pali pour que vous entendiez les paroles mêmes du Bouddha. Gacchanto wa gacchanto miti pajanati ida bhikkhave bhikkhu. Gacchanto wa gacchanto miti pajanati thito wa thito miti pajanati siyano wa siyano miti pajanati. En voici la traduction. Au moine, un moine allant, c'est « je vais ». Étant debout, il sait « je suis debout ». Étant assis, il sait « je suis assis ». Étant couché, il sait « je suis couché ». Ce sont donc là les instructions du Bouddha. Elles sont très simples, mais difficiles à mettre en application. Il y a donc quatre postures. En marche, assis, debout et couché. Et nous pouvons pratiquer dans ces quatre postures. Il faudra cependant faire très attention à la posture couchée. Il faudra éviter de pratiquer dans cette posture tant que l'attention ne sera pas développée, surtout si vous envisagez de pratiquer dans la salle de méditation. Après le repas, vous êtes autorisé à vous reposer et à vous allonger sur votre lit en restant très attentif. Vous pratiquez alors dans la posture allongée. Et le soir, lorsque vous irez vous coucher, vous pourrez également pratiquer dans la posture allongée. Mais lorsque vous vous trouvez dans la salle de méditation, il ne faut pas pratiquer dans la posture allongée. Pourquoi? Parce que le méditant sera très facilement pris par la somnolence si son attention n'est pas très développée. Il ne réussira pas à être attentif de façon ininterrompue parce que submergé par la somnolence. Voilà pourquoi il n'est pas recommandé de pratiquer dans la posture allongée lorsqu'on se trouve dans la salle de méditation. Et même lorsque l'attention se sera développée, il est demandé de ne pas le faire. Il y a donc quatre postures pour la méditation. La première, c'est la posture en marche. En ce qui nous concerne, nous pratiquons la méditation en marche comme le demande le sutta. Nous pratiquons en faisant d'abord une note à chaque pas, ensuite deux notes à chaque pas et enfin trois notes à chaque pas. Lorsqu'on fait une note à chaque pas, on répète mentalement pas gauche, pas droit. Lorsqu'on fait deux notes, on répète mentalement lever, placé. Et lorsqu'on fait trois notes à chaque pas, on répète mentalement lever, avancer, placer. Concrètement, il est recommandé de diviser la séance en trois parties. Pendant les 20 premières minutes, on fait une note à chaque pas. Pendant les 20 minutes qui suivent, on fait deux notes à chaque pas. Et pendant les dernières 20 minutes, on fait trois notes à chaque pas. S'il procède ainsi, le méditant ne s'ennuiera pas. S'il veut éviter de s'ennuyer, il doit suivre ses instructions. Lorsqu'on pratique la marche attentive, il ne faut plus observer l'abdomen, on se focalise sur les pieds. Ce sont les pieds qu'on s'efforce d'observer de façon très attentive et pénétrante. Il ne faut pas observer superficiellement. Si on observe de façon très pénétrante, l'esprit pourra suivre avec beaucoup de précision les mouvements du pied. Il ne pensera pas. Il faut donc essayer de suivre très attentivement chaque phase du pas. Lorsque vous serez arrivé à la fin de votre espace de marche, vous devez observer la station debout. Vous répétez mentalement « debout, debout ». Lorsqu'on note ainsi la posture debout, il faut prendre conscience de cette posture. Vous notez plusieurs fois « debout, debout ». Et ensuite seulement vous commencez à tourner. Soyez patient. Ne commencez à tourner qu'après avoir bien observé la posture debout. Lorsque vous tournez, vous le faites très lentement en répétant mentalement « tournez, tournez » jusqu'au moment où vous vous retrouvez devant votre espace de marche. De nouveau, vous observez la posture debout en répétant mentalement « debout, debout ». Si vous êtes capable de noter très attentivement la posture debout, puis le fait de tourner, et enfin la station debout, de façon ininterrompue, sans pensée, vous ressentirez probablement certaines choses. Vous allez expérimenter certaines choses. Mais ne recherchez pas ces expériences. Elles vont se manifester spontanément lorsque l'attention sera devenue continue. Vous allez ensuite recommencer à marcher en notant chaque fois pas gauche, pas droit. Vous essayez de suivre chaque pas très attentivement. Au début de la pratique, il ne sera pas possible de suivre ces mouvements de façon très précise, tout simplement parce que l'esprit pense beaucoup. Il y a toutes sortes de pensées. Vous devez alors vous arrêter de marcher et noter « pensée, pensée » jusqu'à ce que la pensée disparaisse. Lorsqu'elle aura disparu, vous recommencez à marcher en notant chaque fois « pas gauche, pas droit ». Si les pensées sont très courtes, il n'est pas nécessaire de s'arrêter. Essayez de vous focaliser davantage sur les pieds. Au début, vous ne réussirez probablement pas à suivre les phases du pas de façon ininterrompue. Mais ne vous inquiétez pas pour cela, efforcez-vous d'y arriver. Grâce à votre effort et à votre énergie, vous réussirez tôt ou tard à suivre les mouvements du pied sans interruption et avec précision. Lorsque vous serez devenu capable de suivre les mouvements du pied sans être gêné par des pensées très fugaces qui ne vous obligent pas à vous arrêter, dites-vous que vous avez réussi la première étape, celle qui consiste à faire une note à chaque pas. Les méditants veulent tous progresser. Si vous voulez progresser, vous devez travailler de façon respectueuse. Que veut dire pratiquer de façon respectueuse? Cela veut dire qu'il faut essayer de suivre le mouvement avec précision. Il faut essayer de ne pas être distrait, de maintenir l'attention fixée sur les pieds et de suivre le mouvement tel qu'il se manifeste par étapes successives. Si vous êtes très attentif, vous pourrez même voir vos propres erreurs. Vous serez conscient d'avoir réussi à observer les phases du pas sans en manquer aucune, ou au contraire de ne pas y être arrivé. Lorsque nous serons devenus capables de suivre les mouvements du pied sans trop penser, nous ressentirons en nous toutes sortes d'énergies. Si nous sommes capables de percevoir ces énergies, c'est parce que l'attention s'est développée, il n'y a aucune pensée dans l'esprit. L'attention est capable de noter tous les mouvements sans interruption. Si nous avons réussi à être attentifs de façon ininterrompue, le calme va se manifester en nous. Nous nous sentirons heureux de pratiquer. Je voudrais faire ici une parenthèse pour vous expliquer une fois de plus l'intérêt qu'il y a à étiqueter les phénomènes. Lorsqu'on médite, il est très important, et c'est même capital, de percevoir la véritable nature des phénomènes. Le fait de les étiqueter n'est pas important en soi, mais cette technique va nous aider très efficacement. Si la prise de conscience du pas gauche et ensuite du pas droit ne s'accompagne pas d'une annotation mentale, il est fort probable que l'esprit se mette à penser. Il ne va pas rester fixé sur l'objet. Et s'il n'adhère pas à l'objet, c'est parce qu'il y aura beaucoup de distraction. Mais si on étiquette le phénomène et qu'on répète mentalement « pas gauche » lorsque le pied gauche s'avance, « pas droit » lorsque le pied droit s'avance, l'esprit restera fixé sur l'objet. Il ne s'envolera pas facilement. En étiquetant mentalement le phénomène, on donne une chance à l'attention d'atteindre la cible, de heurter l'objet. Je vous encourage donc à noter chaque fois pas gauche, pas droit. Un méditant qui est capable de suivre les mouvements du pied sans interruption va ressentir la sensation de mouvement, même si c'est encore la forme extérieure du pied qui lui apparaît de façon prédominante. À ce stade, le méditant n'est pas encore capable de faire la différence entre la forme extérieure et la sensation. À ce stade, lorsqu'il note pas gauche, c'est la forme extérieure du pied qui est l'objet de son attention, même s'il ressent déjà une sensation de mouvement ou de balancement. Nous devons être patients. Il n'est pas possible de percevoir la réalité dès le début. Nous allons donc pratiquer ainsi en notant au niveau de la forme extérieure et petit à petit, la compréhension va se manifester. Il faut passer par le concept, la forme extérieure, pour découvrir à l'intérieur du concept la réalité. Mais la réalité n'est pas perçue au début. Lorsque l'attention sera devenue ininterrompue, la réalité conventionnelle, les concepts vont tout naturellement s'estomper et la réalité profonde va apparaître. Les formes extérieures auront disparu. Vous ne verrez ou n'expérimenterez que des sensations de mouvement, de balancement. Et c'est tout cela que vous avez expliqué à l'entretien. Pour arriver à cette qualité d'observation, le fait d'étiqueter peut s'avérer très utile. Vous allez donc pratiquer ainsi en vous efforçant d'observer très attentivement le pas gauche et ensuite le pas droit. Lorsque vous aurez réussi à observer ces mouvements sans être dérangé par les pensées, vous éprouverez tout naturellement le besoin de passer à la deuxième méthode et de faire deux notes à chaque pas. Lever, abaisser. Vous répéterez mentalement « lever, abaisser ». Si vous éprouvez le besoin de faire deux notes à chaque pas, cela veut tout simplement dire que votre attention s'est développée. Elle est plus forte que lorsque vous faisiez une note à chaque pas. Et pour voir tous les détails, vous devrez ralentir votre rythme. Vous devrez lever le pied très attentivement et lentement, tout en notant mentalement « lever, lever ». et lorsque vous abaisserez le pied, vous devrez également le faire très lentement, de façon composée, pour que l'esprit puisse suivre ce mouvement avec précision. Poursuivez votre pratique en notant chaque fois « lever, abaisser » jusqu'au moment où vous arriverez au bout de votre piste de marche. Pour la posture debout et le fait de tourner, c'est la même chose que précédemment. Votre attention est très développée maintenant. Vous remarquez beaucoup de choses. Lorsque vous faisiez une note à chaque pas, vous étiez conscient du mouvement de façon générale. Parfois, il vous arrivait de voir un balancement du pied, même si vous n'avez pas toujours été capable de l'expliquer à l'entretien. Il arrive souvent que les méditants expliquent qu'ils ont réussi à noter le pas gauche et le pas droit, mais n'expriment pas ce qu'ils ont expérimenté. Arrivé à ce stade, le méditant est beaucoup plus précis et il est capable d'expliquer son expérience de façon détaillée. L'entretien doit se faire de la façon suivante. Vous commencez par dire si vous avez pu noter l'objet. Ensuite, vous expliquez ce que vous avez expérimenté. Vous expliquez par exemple qu'au moment où vous avez levé le pied, vous avez commencé par noter mentalement « lever, lever » et qu'ensuite, vous avez remarqué une sensation de légèreté, par exemple, au moment où le pied s'élevait. Lorsque j'ai abaissé le pied, j'ai noté mentalement « abaisser, abaisser ». J'ai ensuite observé très attentivement et j'ai expérimenté une sensation de lourdeur. À ce stade donc, le méditant est capable de décrire de façon très précise la façon dont il a médité en marche. Il commence par dire s'il a été capable de noter l'objet qui est apparu, et ensuite, il peut expliquer ce qu'il a expérimenté. Arrivé à ce stade de la pratique, le méditant comprend clairement. S'il présente son entretien de cette façon, il gagnera du temps. À quoi reconnaît-on un méditant attentif? Un méditant attentif se déplace très lentement de façon composée. Il garde le regard dirigé vers le bas et évite de regarder de tous côtés. C'est un yogi attentif. À quoi reconnaît-on un yogi énergique? Un méditant qui se montre très attentif, qui marche lentement, qui effectue ses mouvements de façon très composée, qui lève le pied très lentement et l'abaisse très lentement, qui garde les yeux dirigés vers le bas en évitant de regarder de tous côtés, et qui fait tout ceci non pas pendant 5 minutes mais pendant toute la séance, un tel méditant peut être considéré comme très attentif et énergique. Il fait un effort. Ce méditant est capable de suivre le mouvement d'élévation du pied du début à la fin sans interruption. Et lorsque son pied va s'abaisser, il pourra suivre ce mouvement tel qu'il se manifeste par étapes successives jusqu'au moment où il se termine. S'il est capable d'observer avec cette qualité d'attention, il pourra expliquer très naturellement et très facilement au professeur qu'au moment où il a pris conscience du mouvement d'élévation du pied, il a ressenti une sensation de légèreté. Lorsque son pied s'est abaissé, il a ressenti une sensation de lourdeur. Mais attention, tout ceci n'est pas nécessairement vrai pour tous les méditants. Ce n'est pas obligatoirement la légèreté que l'on expérimente au moment où le pied s'élève, et ce n'est pas nécessairement la lourdeur que l'on expérimente au moment où le pied s'abaisse. Parfois, on ressent de la légèreté au moment où le pied s'abaisse. Plus votre attention va se développer, mieux vous verrez. Vous verrez que tout cela varie, que ce n'est pas toujours la légèreté qui se manifeste au moment où le pied s'élève, et que ce n'est pas toujours la lourdeur qui se manifeste au moment où le pied s'abaisse. Tout ceci peut varier. Lorsque vous serez très attentif, vous verrez ce qui se passe réellement. Pour ce qui est de l'attention, à ce stade, on ne la note pas encore délibérément. Mais dès que l'attention sera devenue suffisante, que le méditant pourra noter très attentivement, il deviendra spontanément conscient de l'intention qui précède le mouvement. Même si à ce stade on ne la note pas délibérément, un méditant très attentif l'aperçoit malgré tout. Pour voir l'intention de lever le pied, il faut que l'attention soit devenue une véritable force. Il faut que l'énergie également soit devenue une force. Il faut donc disposer de la force de l'énergie mentale et de la force de l'énergie physique. Sans ces deux forces, la force de l'attention et la force de l'énergie, il n'est pas possible de voir l'intention. L'intention n'est pas facile à percevoir. C'est pour toutes ces raisons qu'il est demandé de ne pas observer superficiellement, mais de le faire de façon très pénétrante. Il faut observer très attentivement ces trois phases, lever, avancer, abaisser. Il faut maintenir l'attention très vigilante pendant toute la durée du processus. Et lorsque l'observation sera devenue très pénétrante, l'intention va apparaître spontanément. Si vous êtes devenu capable de percevoir l'intention qui précède le mouvement d'élévation du pied, vous verrez automatiquement l'intention qui précède le mouvement d'avancement et ensuite l'intention qui précède le mouvement d'abaissement. Et lorsque vous éprouverez le besoin de replier le bras, vous verrez l'intention qui précède ce mouvement. Lorsque vous allez l'étendre, vous verrez l'intention qui précède ce mouvement. Vous verrez l'intention qui précède le mouvement qui vous amène à vous gratter le visage. Vous verrez l'intention dans tous les mouvements. Cette capacité à voir l'intention qui précède le mouvement est due à la force de l'attention et à la force de l'énergie. Vous avez donc réussi maintenant à noter deux mouvements, lever, abaisser. Vous avez également réussi à percevoir l'intention qui précède ces mouvements. Vous continuez à pratiquer de cette façon, et lorsque vous êtes sur le point de lever le pied, vous notez intention de lever le pied, intention de lever. Vous attendez avant de lever le pied. Vous essayez de ressentir l'intention. Vous répétez deux, trois fois intention de lever le pied, intention de lever le pied. Ensuite seulement, vous levez le pied et vous notez lever, lever. Lorsque c'est le mouvement d'abaissement du pied qui a lieu, vous ne devez pas noter l'intention. Abaissez directement le pied. Il suffit de noter l'intention au moment du premier mouvement lorsque vous vous apprêtez à lever le pied. Si vous voulez noter l'intention au moment où le pied s'apprête à s'abaisser, vous devrez interrompre le mouvement. Ceci n'est pas naturel. Il n'est donc pas nécessaire de noter une deuxième fois l'intention, puisque vous l'avez déjà notée au moment où vous apprêtiez à lever le pied. C'est suffisant. À ce stade, vous réussissez donc à noter les mouvements du pied de façon très précise et en percevant l'intention au moment où vous apprêtez à lever le pied. Comme vous en êtes arrivé là, je dois vous expliquer maintenant pourquoi le mouvement d'élévation du pied a lieu. Si le pied s'élève, c'est à cause de l'intention. L'intention est la cause pour le mouvement d'élévation du pied. Mais cette intention n'apparaît pas très clairement. Elle n'est pas très manifeste. À l'entretien, vous avez expliqué que vous avez commencé par noter l'intention de lever le pied et qu'ensuite vous avez levé le pied. Vous avez expliqué que vous avez observé très attentivement et que vous avez expérimenté une sensation de légèreté. Certains d'entre vous ont expliqué qu'ils ont noté l'intention de lever le pied et qu'au moment où ils ont voulu noter le mouvement d'élévation, ce mouvement avait déjà eu lieu, le pied était déjà arrivé à destination. D'autres ont expliqué qu'ils ont eu l'impression que quelque chose poussait leurs pieds vers le haut. C'est ainsi que s'expriment les méditants qui ont expérimenté, qui ont compris. « Oh, quelque chose pousse mon pied vers le haut. Il y a de la légèreté. » C'est en ces termes que les méditants qui ont compris relatent leurs expériences. Ils n'utilisent pas de mots palis. Il faut en effet utiliser un langage très simple et expliquer tout simplement ce que l'on a vécu. L'intention va provoquer un mouvement de l'air qui va lui-même pousser le pied vers le haut. C'est l'air qui provoque le mouvement du pied. C'est l'air qui pousse le pied vers le haut. Et tout ceci est conforme aux Écritures. Un méditant qui a expérimenté ces choses a compris clairement. Il n'est pas possible que le méditant atteigne la claire compréhension si on ne lui a pas expliqué au préalable ce qu'il est susceptible de comprendre et pourquoi il lui est demandé d'observer très attentivement les trois phases du pas. Je vais encore une fois vous expliquer ce qui se produit au moment où le pied s'élève. L'intention présente dans l'esprit va provoquer un mouvement de l'air qui va lui-même pousser le pied vers le haut. L'élément air est la cause pour le mouvement du pied. Ces trois choses sont donc reliées entre elles, l'intention, l'élément air et le pied. Cette compréhension n'est pas une compréhension superficielle, c'est une compréhension profonde. Sans la méditation, il n'est pas possible de voir l'intention, il est impossible de voir que c'est l'intention qui provoque un mouvement de l'air et que c'est l'élément air qui pousse le pied vers le haut. Nous ne voyons pas que c'est l'élément air qui pousse le pied vers le haut qui est la cause pour le mouvement du pied. Si vous pratiquez Vipassana mais que votre attention est faible, que votre énergie est insuffisante, vous ne pourrez pas non plus obtenir la compréhension profonde. Vous ne verrez pas clairement. Soyez donc très vigilant, soyez patient, et tôt ou tard, vous réussirez à voir. Essayez de pratiquer l'attention pure, en étant attentif, sans interruption, à tout ce qui se passe. Vous verrez automatiquement et spontanément. Lorsque vous faites trois notes à chaque pas, que vous le notez lever, avancer, abaisser, vous notez l'intention au moment où vous vous apprêtez à lever le pied, mais lorsque vous allez avancer le pied, il n'est pas nécessaire de noter l'intention, même si elle est présente, et lorsque vous abaisserez le pied, vous ne notez pas non plus l'intention, même si vous la percevez. Vous allez percevoir l'intention pendant la marche, au moment où vous levez le pied, où vous l'avancez et où vous l'abaissez, mais également dans toutes les activités que vous serez amené à faire, que ce soit pendant la méditation assise ou pendant les activités quotidiennes. vous verrez l'intention de replier le bras, l'intention d'étendre le bras, vous verrez l'intention de vous lever et l'intention de passer à la posture assise. Lorsque vous en serez arrivé là et que vous serez devenu capable de noter, de percevoir les intentions qui précèdent tous les mouvements, vous serez capable de maintenir votre attention très vigilante pendant toute la journée, car vous saurez, grâce à votre expérience dans la méditation, que c'est en maintenant l'attention de façon ininterrompue que la claire compréhension peut se manifester. Vous avez développé la confiance dans votre propre pratique. Je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que l'intention et le mouvement sont simultanés ou apparaissent-ils séparément? En réalité, ces deux choses sont séparées. Il y a d'abord l'intention et ensuite le mouvement. Et ces deux choses sont séparées. Elles se succèdent, elles n'apparaissent pas ensemble. Un méditant qui réussit à voir que l'intention est un phénomène distinct du mouvement comprend clairement. Ce méditant a compris qu'il y a des phénomènes mentaux, en l'occurrence l'intention, et d'autre part des phénomènes physiques, en l'occurrence le mouvement. Il comprend également que si le phénomène physique du mouvement a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu au préalable le phénomène mental de l'intention. Ce méditant a compris clairement les causes et les effets. Si nous nous efforçons d'être attentifs de façon ininterrompue, c'est pour comprendre ces choses, d'abord la différenciation entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, l'esprit et la matière, ensuite les causes et les effets, ensuite les trois caractéristiques des phénomènes. Au début du stage, vous avez noté, levé, avancé, abaissé le pied. Ces mouvements vous apparaissaient encore dans leur forme extérieure. Votre observation se faisait au niveau du concept. Petit à petit, votre attention et votre énergie se sont développées et sont devenues des forces. Vous disposez dorénavant de la force de l'attention et de la force de l'énergie. Grâce à ces deux forces, vous êtes capable de suivre ces trois phases du pas de façon ininterrompue. Vous disposez de ces deux forces, il n'y a plus beaucoup de pensées dans votre esprit, et vous êtes capable de suivre les mouvements du pied sans interruption du début à la fin. La forme extérieure du pied s'est estompée, vous ne percevez plus le phénomène sous cet aspect, vous êtes maintenant en contact avec la réalité. La forme extérieure ne vous apparaît plus dans l'esprit, vous êtes en contact avec les sensations comme le mouvement, le balancement. Lorsqu'ils en sont arrivés à ce stade, certains méditants ont même parfois l'impression de ne plus marcher sur la terre ferme. C'est comme s'ils se déplaçaient sur des nuages. Mais s'il vous plaît, demain à l'entretien, ne me racontez pas que vous avez eu l'impression de marcher sur des nuages. Parfois, les méditants pensent avoir expérimenté certaines choses, alors qu'en fait, il n'en est rien. Donc, je vous mets en garde contre ce genre d'imagination. Il arrive aussi que le méditant a l'impression que le temps passe très vite. Il expérimente toutes sortes de sensations et cette impression de ne pas avoir vu le temps passer est due à sa forte attention. Quel intérêt il y a-t-il à pratiquer la marche attentive? La méditation en marche permet aux méditants de récupérer de l'énergie. Elle développe l'énergie. La méditation en posture assise développe surtout la concentration. Un méditant qui désire pratiquer sérieusement doit donc pratiquer dans ces deux postures, en marche et en posture assise. Parfois, les méditants préfèrent la méditation en posture assise, mais il est nécessaire de pratiquer ces deux types de méditation car il faut qu'elles soient en équilibre. Je rappelle toujours aux yogis que le fait de décomposer chaque pas en une, deux ou trois phases n'est pas important en soi. Ce qui est important, c'est de développer l'attention. Si vous êtes capable de pratiquer correctement en ne faisant qu'une note à chaque pas, vous allez tout naturellement ressentir le besoin de passer à la deuxième méthode, de ralentir votre allure, et ensuite de passer à la troisième méthode, car vous serez mûr pour cela. Mais si vous passez à la deuxième méthode sans être prêt pour cela, vous allez vous fatiguer. Et si vous passez à la troisième méthode sans être prêt, cela va également vous fatiguer. Et de plus, vous n'expérimenterez rien. Si vous n'expérimentez rien, vous allez vous décourager, vous allez être déçu et vous allez commencer à vous ennuyer. Si vous vous ennuyez, vous voudrez quitter la retraite. Mais si vous réussissez à voir clairement, à expérimenter, vous n'aurez plus envie de quitter, vous resterez à la retraite, vous poursuivrez votre pratique. Essayez donc de suivre les instructions du Bouddha, essayez de pratiquer de façon diligente pour comprendre la véritable nature du Dhamma. Tout ce que je vous ai expliqué ici à propos de la méditation en marche est valable pour la méditation en posture debout, pour la méditation en posture assise et pour la méditation en posture couchée. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être heureux et en paix, puissiez-vous pratiquer la méditation de façon diligente, puissiez-vous comprendre clairement le Dhamma, puissiez-vous tous atteindre Nibbana. If you understand what I mentioned here in the walking practice, walking meditation, it is the same in standing, sitting, and lying down. Lying down. So I will not explain today. I will stop here. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then may you understand the Dhamma clearly. Then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.